Dans le hall de la gare d'Austerlitz. Oh mon Dieu! Grève des chemins de fer! Pardon, monsieur, les chemins de fer sont en grève? Non, pas aujourd'hui. La grève commence demain. Ah, heureusement. Merci, monsieur. Oh, pardon, le train de Toulouse arrive à quel quai? Au quai 18. Et où est-ce que je peux prendre un billet de quai? Là-bas, près de l'indicateur, il y a une machine.